Audiomatique. Cette longue pièce introductrice de la transmission 1-2-7 d'Audiomatique s'intitulait Reichenbach et était l'œuvre du compositeur suisse Thomas Ronkin, qui a été un proche collaborateur de Steve Roach. Reichenbach est paru sur l'album double Symmetric en 2001. Vous êtes à l'émission Audiomatique en compagnie des électronistes qui se font un devoir de vous présenter à chaque semaine une programmation dédiée à la musique électronique. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse audiomatique@gmail.com et nous vous invitons à visiter notre profil facebook.com/audiomatique pour avoir accès à toutes nos anciennes transmissions. Pour poursuivre en musique, nous faisons un petit bond en arrière avec un des groupes phares du genre trance psychédélique et nous avons nommé Astralasia. à Audiomatic. Nous terminions cette séquence avec le groupe anglais Lush, qui a été fondé en 1988 et qui s'est séparé une première fois en 1996. Ils ont fait un retour en 2015 en lançant le mini-album Blind Spot et en faisant une tournée nord-américaine et européenne du mois d'avril au mois de novembre 2016. Après cette tournée, le groupe a annoncé qu'il se séparait officiellement. De leur simple Hypocrite, nous avons entendu la chanson Love at First Sight, qui a été composée et interprétée à l'origine par le groupe The Gist en 1982. Précédemment à Lush, nous avions droit à l'artiste allemand Ulrich Schnoss, qui nous interprétait la pièce Monday Paracetamol de l'album A Strangely Isolated Place. Mentionnons qu'Ulrich Schnoss fait partie du groupe légendaire Tangerine Dream depuis 2014. Et pour amorcer ce bloc, le groupe anglais Astralasia, qui existe depuis 1990 tout de même, nous interprétait la pièce Platform 8 du mini-album High Plains Drifter. Pour conclure la transmission 1-2-7 d'Audiomatic, nous vous laisserons au bon soin du groupe The Tear Garden, qui est formé de membres de Skinny Poppy et de Legendary Pink Dots. De leur album Tired Eyes Slowly Burning, nous entendrons la chanson You and Me and Rainbows Part 1-2-6. D'ailleurs, le groupe de Tear Garden devrait nous offrir sous peu un nouvel album qu'il a pu produire grâce au sociofinancement et qui portera le titre de The Brown Acid Caveat. Les électronistes qui vous remercient d'avoir été à l'écoute et qui espèrent vous retrouver mercredi prochain dès 17h pour la transmission 128 d'Audiomatic. D'ici là, visitez nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic pour réentendre nos anciennes émissions. Voici sans plus s'attarder The Tear Garden et la chanson You and Me and Rainbows Part 1-6. Mine. is always just the same. The same intention, destination. Just you and me and rainbows. Everything is fine, we have a straw, we have a line, we have a bag, a rock, a mountain with a string of shepherds driving lions, aiming skewers at the sheep, face down, asleep, in onion fields, the frying fields, the worms, they peep through holes. Once were eyes, they thrive, they bake, although we painted out the sky, the sun. There's only thunder, and you, and me, and rainbows. Destination. Oh, you and me, you and me. sacred glow. We're quite alone, just you and me and rainbows. Expect